Bande de cons, va. Je parie qu'ils vont m'attendre toute la journée au restaurant. Bon appétit. Moi, je me casse à Acapulco. La gloire à moi tout de suite, comme les charlatans a dit. Je serai le king, you know. Hey yo. Aéroport de Mexico, pantalon Mexico, Franco Ferré, j'emprête la voie ferrée pour Acapulco. Pas de clicot, tequila blanc. Dans ce train, mon voisin porte un chapeau sans aucun rapport. Proche de la porte, ma vision sur les cactus. En même ma boussole pour vérifier le cap sud. J'suis un touré, j'suis plus le BEN. Ma monnaie perd son veto, moi j'suis passé au peso. Pro de flow, j'ai quitté le cœur, quitté la dream team. Quitté ma meuf et sa poitrine pour un flow qui commet des crimes. Y'a qu'un seul king, à bas les featuring. Y'a qu'un mètre sur le ring, il faut que j'atteigne la cime. Comme Iverson, j'ai crossé Buffa. Pour le flow, j'serais le cross et du revolver comme Buffa. Proche de la ville, me fait arrêter. Quand j'avais quitté, j'avais pas acheté de ticket. Au Mexique, pas par hasard. Valise remplie de vêtements Zara. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je fais tout pour être une star. Rien à foutre de mes potes, mec, je fais le bâtard. Dans cette ville, pas par hasard. Mon style de vie devient bizarre. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je veux pas arriver tard. Pour le flow de cut des bœufs, à moi je me marre. Je me casse de ce restaurant, seuls resteront les derniers, mais moi je reste au rang de premier. Et pour cela il faut que je parte vite. Là je loue une voiture, mais elle a pas de vitre. En plus toute pourrie, elle avance pas shit. Avec mes pieds mec, je suis sûr que j'irai plus vite. Même les chiens me dépassent, j'atteins ma limite. C'est quoi ces foutaises? Et là je m'irrite. Je sors de la voiture, je claque la porte, clé dans le contact. Mais peu importe, elle a plus de valeur, elle est déjà morte. Perdu, je parle à un gars qui comprend pas mon accent. Incompris dans ce monde comme Michael Jackson. Trop séché, l'espagnol et l'assassin. Devant mes yeux, je vois un bus qui roule passant. Sous le soleil à pied, je deviens le passant. Plus rien à faire, j'écris ma vie comme Guy de Maupassant. Au Mexique, pas par hasard. Valise remplie de vêtements Zara. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je fais tout pour être une star. Rien à foutre de mes potes, mec, je fais le bâtard. Dans cette vie, pas par hasard. Mon style de vie devient bizarre. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je veux pas arriver tard. Pour le flow de cœur des bœufs, à moi je me marre. Relax, je sors du resto et je vois plus personne. Mes potes m'ont laissé, faut pas que ça m'étonne. Mais j'ai pas de Porsche et pas de Lexus. Quelques sous en poche et vraiment rien de plus. J'volue en solo, mais comment? Plus de train, plus de vol que le bus. Et ça me saoule trop, mais bon j'ai pas le choix. Et je peux pas attendre plus, faut que je fonce et que j'ai ce bus. Il est plein à bonder et tout le monde est en train de bouder. Plus de place, trop de monde et ça se lâche, ça se fâche. Y'a même des mamies qui se clashent. En plus ça empeste, ça je te cache pas. Comme si à côté de moi on avait lâché une caisse. Mais je pète les plombs façon D6. Je vois cut pas loin donc je m'arrête ici. Au Mexique, pas par hasard. Valise remplie de vêtements Zara. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je fais tout pour être une star. Rien à foutre de mes potes, mec, je fais le bâtard. Dans cette vie, pas par hasard. Mon style de vie devient bizarre. Je veux le flow, mec, j'en ai marre. Je veux pas arriver tard. Pour le flow de cut des bœufs, à moi je me marre. Et ben voilà, on est jamais arrivé dans ce bled pour le flow. Mais au moins, avec ce voyage, on a compris que gloire, succès et maille, et ben c'est ça la faille. Le charlatan nous avait prévenu qu'à la fin de notre voyage, on découvrirait la clé de l'énigme. Et ben là, je pense qu'on l'a découvert.